Eh ben voilà, c'était les infos. Merci de nous avoir choisis. On est en voilà, direct. C'est bon, on peut y aller. Bah, écoute, c'est fini. Voilà, c'est la magie. Bonne journée à vous. Charlotte Delal, cadeau de Noël. Est-ce qu'on pourrait vous retrouver à un moment? On vous retrouve dans la deuxième heure. On vous retrouvera dans la deuxième heure, c'est bien noté. Merci beaucoup. Bon bah écoutez, on va démarrer cette émission un petit peu plus tôt que prévu. Et c'est ça aussi qui fait la magie de cette émission, c'est l'imprévu. Sinon ce serait quand même pas drôle. Merci de nous rejoindre, on est en direct. C'est 30% d'humour, 60% de sympathie et 20% de folie. Attendez, ça fait pas 100% ça? 18h-20h, c'est Jadoul. Avec 10% de mauvaise foi. On est quand même la seule émission où il y a des trucs comme ça qui se lancent. On sait pas trop. Non, on sait ça pas arrive. Ce qui se passe. Je pense que ça arrive. Ça arrive, oui. Bah écoutez, voilà. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je m'appelle Jadoul. On est en live avec vous jusqu'à 20h, c'est 18h-20. Et dans cette équipe, on a beaucoup de monde. Mais là ce soir, on a Terrence. Comment ça va? Salut, salut Jadoul. Salut à tous. Comment ça va toi? Ça va très bien, moi je suis bah alors moi j'avais bien, si tu vois tout va bien, moi j'avais bien. Oh bah c'est gentil. Alors, on va faire dans quelques instants un petit débriefing Saint-Nicolas. On aura également l'occasion de voir toutes les news insolites du moment. Mm-hmm. Et surtout, on va se faire plaisir toute la soirée. De la musique, évidemment. Vita et Slimane, ça arrive dans un instant. Et j'ai aussi une bonne nouvelle, quand même. C'est qu'on va jouer à Bruxelles à l'appel d'ici la fin de l'émission. Ah. On va encore s'éclater. Ou plutôt, il va s'éclater. Oui, je vais être éclaté. Tout ça, ça se passe dans un instant. Vous restez bien branchés. Mais je pense qu'on a une bonne nouvelle aussi. C'est que Charlotte Delal a retrouvé sa voix. On la retrouve tout de suite, c'est les informations. Bonjour à tous. Les responsible young, que la pluie fera son grand retour un petit peu partout. Heureusement, les températures resteront un petit peu plus douces. La pluie, quelle galère. J'étais hier sur la Grand Place voir le sapin. Il y a des jeux de lumière exceptionnels. Alors c'est magnifique, bonjour la Grand Place. Ouais. Mais par contre, la pluie, mais c'était... Et donc du coup, il n'y avait plus de lumière. Tout s'est éteint, ça fait... Fini. C'est ça. Non mais bon, voilà, c'était dommage. Et comme je disais à l'instant dans son journal Charlotte Delal, c'est vrai qu'il y a plein de talis qui sont annulés. On en parlera dans quelques instants parce que ça en fout pas mal dans la mouise. Et on retrouvera tout ça dans un instant. On reste à Bruxelles. Jadoul, 18h-20h. Voici Vita et Slimane. C'est vrai qu'on est plutôt bien là dans le 18h-20h. Merci de nous rejoindre, on est en direct. Jadoul est là durant les fêtes. Genesis. Jadoul. Et rien ne l'arrête. Glow. Il a survécu au repas de famille. Gloria. Joyeux Noël à vous aussi. Il a survécu à l'arrêt du grand cabaret de Patrick Sébastien. Oh, t'es calme d'un coup, hein. Et aux 900 diffusions de Maria Carré. On essaye maintenant les chants de Noël de Nolwenn Leroy, mais il n'y a rien à faire. Il résiste à croire qu'il aime ça, le beau gosse. 18h-20h. On est en live avec vous et ça y est, le coup d'envoi des fêtes est donné. Merci de nous rejoindre. On est toujours avec Terrence dans ce studio. Non, c'est vrai que les chansons de Maria Carré, je peux plus les entendre. Moi, j'arrive pas à survivre comme toi, là. J'en Écoute, peux plus. Moi, c'est bon. Moi, il me faut ma petite dose de Maria Carré. Ouais, non. Une fois par jour. Et puis, c'est bon. Puis là, t'as les films de Noël aussi. Ah oui. Avec Kevin qui tombe dans les bras de Kimberley et qui se marie après deux semaines. C'est tellement ça. Et oui, et ben, vous aussi, je suppose que vous aimez bien cette période. Hein. Puis c'est joli. Tout Bruxelles est illuminé. Ouais. J'ai fait un petit peu le tour des décos qui ont été posées dans la ville et je trouve ça assez beau. D'ailleurs, le sapin, très bien éclairé. Le mieux, c'est dans les villages. Je sais pas pourquoi dans les villages c'est toujours super éclairé. Enfin, ah ouais, ils font des trucs de ouf avec les jardins, les buissons, des trucs comme ça. C'est toujours très beau, je trouve. C'est fort possible. Alors, petit debriefing hein, comme prévu de Saint-Nicolas. J'espère que ça s'est bien passé chez vous. Je sais pas si vous fêtez cette fête parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ignorent complètement Saint-Nicolas pour plus directement se concentrer sur Noël, Nouvel An. Étant donné que voilà, c'est une fête. Il y en a qui fêtent rien du tout. Hein. J'en connais. Mmh. Ils sont là, bah, c'est un jour comme un autre. Et puis voilà, il faut juste tous chier avec leur guirlande. Mais ouais, sinon. Ouais. Voilà, ils s'en foutent complètement. Alors je sais pas quel est votre avis, votre petit SMS au 0488 106 800, pour nous dire ce que vous en pensez de cette fête. En tout cas moi je trouve que ça apporte toujours une convivialité et une espèce d'énergie chez les gens. Et dans les foyers, dans la rue, même les gens se disent bonjour, les gens se disent joyeux Noël. Et je trouve ça Noël, très chouette. Noël, ils se parlent et ils se regardent. Est-ce que t'as eu quelque chose pour Saint-Nicolas? Non, mais Saint-Nicolas c'est le patron des écoliers, donc moi je suis plus trop, enfin, pour les enfants normalement, c'est une fête pour les enfants, je commence à devenir adulte, enfin, pas dans ma tête, mais voilà, physiquement je deviens adulte, et donc, non, j'ai pas... Et donc, non, mais c'est vrai, et s'il y a des enfants qui nous écoutent, il faut savoir que voilà, les grandes personnes se font des cadeaux entre eux, parce que certains ne méritent pas spécialement Saint-Nicolas, et ils ne sont pas concernés, puisque Saint-Nicolas, il se consacre plus aux petits enfants qui méritent mieux des petits cadeaux, et donc, là, pour le le coup. Il y a peut-être vos parents qui se sont échangés des cadeaux. Bah tiens, bah, mes parents ils se sont peut-être pris des coups de fouet par Père Fouettard, mais je sais pas s'ils sont offert des cadeaux. Quoi, ils ont pas été sages? Non, ils ont été très sages cette année. Franchement, ils ont été super, vraiment. Ils se sont calmés sur leur exil fiscal, c'est bien. Non, en vrai, moi, comme cadeau, j'ai reçu des caleçons de Noël. Ah, j'ai reçu ça aussi l'année passée, c'était super. Ben voilà. Par mes beaux-parents en plus. Tiens, Terence. Ouais, le plus drôle, c'est que tu vois, t'as un beau coffret et tu te dis, mais waouh, c'est un beau coffret, t'as quoi? Franchement, j'ai vu le coffret, je m'attendais à une cravate. Et je me dis, mais j'ai que deux costumes. Alors, c'est un slip. Voilà, personne ne le verra, tu le mettras sous ton pantalon et je ne saurai jamais que tu as mis mon cadeau ou pas. Et la personne qui me l'a offert m'a dit, écoute, je savais pas si t'aimais bien, donc au pire, je t'ai offert des caleçons, si t'aimes pas, ça ne se voit pas. Voilà, c'est le Joker. C'est tellement drôle. Ils ont abandonné. Tous vos SMS arrivent, 0488 106 800. On lit tout ça dans un instant. Le début des news insolites de la semaine, ça arrive juste après ça. Vous écoutez le 18h-20h. Merci d'avoir choisi le 18h-20h. On vous accompagne avec le pire de l'actualité. Ce que je vous propose, c'est que ça démarre tout de suite. T'es chaud, Terence? Ouais, ouais, ouais. T'es chauve? Je suis chauve. Ah bah c'est parti, on y va. 3, 2, 1. Tout ce qu'il fallait louper dans l'actu, c'est les news de la semaine. Alors je rappelle le principe des news de la semaine. Je prends une actualité complètement dingue, je te la fais deviner en 30 secondes et on devine voir si t'as suivi un petit peu l'actualité. C'est toujours trop juste 30 secondes, toujours. Mais c'est vrai qu'on trouve généralement à 35 secondes. C'est assez drôle, mais bon, voilà. On va essayer de relever encore le niveau cette semaine, mais je sais pas si on va y arriver. Est-ce que t'es prêt à ce que l'on lance ce chronomètre? Ouais, je suis prêt. Attention. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui a été flashé à 245 km/h? Une trottinette? Non. Quelque chose à deux roues? Non. Quelque chose à quatre roues? Oui. Est-ce que c'est quelque chose de probable? Oui. Je sais pas, une chaise roulante? Non. Bon, ça, c'est est-ce que c'est un véhicule qui est fait pour se déplacer? Oui. À cette vitesse? Oui. Bah, une voiture? Non, pas à cette vitesse. Une voiture électrique? Non, c'est pas une voiture. Un déambulateur? Non! C'était un tracteur, tout simplement. D'accord, bah ouais, ok. Faut pas se compliquer la vie. J'ai pimpé de ouf mon tracteur, mec, viens voir ça! Eh mec, je lui ai mis du nitro là derrière, tranquille! Avec ça, on va aller à la fond de la caisse sur l'autoroute! Wow. C'est un peu ça. En fait, c'est des ingénieurs de Williams. Ils ont fait un modèle fast-track de la marque JCB, un monstre de puissance. Et en gros, ils ont tout simplement tuné un peu un tracteur. Et donc, l'écurie Williams a été la traîne en Formule 1 avec un petit point au classement des constructeurs cette année, étant donné que ils sont quand même arrivés à la vitesse de 246,2 km/h courant novembre, rapporte BFM TV. Et c'est quand même beaucoup pour un tracteur, l'air de rien. L'engin a une vitesse assez impressionnante avec un moteur de 1000 chevaux. Moi aussi, je sais faire ça. À pied. Tracteur tondeuse, tu m'as pas vu tondre la pelouse. Voilà. C'était toi dans la pub Coca-Cola. Mais avec le bide en plus. Il faut juste imaginer. C'est ça. Donc ils ont 1000 chevaux dans le capot et un moteur diesel de 7,2 litres. C'est bon. Quand même plutôt pas mal. Avec ça, tu sors travailler dans le champ, tu reviens après une demi-heure, c'est bon, j'ai fini. Voilà. Mais quand on voit toutes les grèves qu'il y a en ce moment, ce serait pas plus mal au final d'avoir ce petit tracteur pour se déplacer. En tout cas, moi, s'il est sur le marché et qu'il n'y a pas besoin de permis pour le prendre, moi, franchement, j'achète. On vient dans quelques instants, c'est juste après DJ Sem. Merci de nous avoir choisi. On est en live avec vous jusqu'à 20h. Dans quelques instants, cette émission va vous faire plaisir avec non seulement toutes nos surprises de Noël, on va faire notre roue de l'avant. On vous explique tout ça dans un instant. C'est Terence, assez objet improbable. Oui. Tout ça, ça arrive dans un instant. Vous restez bien branchés. La suite des news insolites, c'est dans Jadoul dans un instant. Jadoul. 18h-20h, c'est Jadoul. La bonne nouvelle, c'est qu'on a encore des petites news pour vous. 3, 2, 1. Tout ce qu'il fallait louper dans l'actu, c'est les news de la semaine. Le principe est simple, je le rappelle pour tous ceux qui nous rejoignent, je donne une info à Terence, enfin les parties d'une info, et il doit deviner le reste. Quel est le reste de l'info. Tout à fait. Merci de m'avoir sorti des rames. Voici la situation. Qui a pris un an de prison pour avoir fait un faux CV. Ton papa. On y va. Je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un de connu? Non, c'est quelqu'un, disons, qui est en Australie, donc ça se passe en Australie, qui a une place importante, mais okay, il travaille c'est dans un politique. Ouais. Ok, c'est un ministre. Non. Un président. Non. Est-ce que c'est celui qui est à la tête du pays? Non. Est-ce qu'il gouverne au Parlement? C'est dans une petite commune. Non, mais c'est... écoute, on va dire que c'est bon. Je t'accorde le point, étant donné que tu t'es pas trop mal débattu. En fait, non, c'était tout simplement... Déjà, oui, je vais te donner ton point de bonne réponse. Youhou! Voilà. Youpi tralala! Ouais! Non? Youhou! Non, non. Juste la bonne réponse. Voilà. Ça nous va. Ouais. Alors, l'info, c'est quand même qu'un cadre du gouvernement a pris 1 an de prison pour avoir menti sur son CV. Et évidemment, c'est un poste prestigieux. Donc, il fallait que les sentences s'appliquent et que voilà, que si ça se passe comme ça. Donc, le mec est devenu haut représentant alors, en mentant sur son fille, CV. C'est une femme. Okay. Et donc, elle a été embauchée, puis virée en 2017. Elle a été arrêtée en septembre avec son frère qui s'est enrichi de milliers de dollars grâce à un contrat qui lui a fait qui lui a fait bénéficier sa sœur. Donc en gros, sa sœur a fait rentrer toute sa famille et hop, on y va, on distribue l'argent. Mmh. Et c'est parti. Alors une entreprise familiale, évidemment. Mais le juge a quand même fait un procès assez particulier étant donné qu'il présume qu'ils ont des troubles mentaux. Donc selon... Mais oui, c'est vraiment... Oui. Donc c'est-à-dire qu'elle, elle était cadre représentant de l'État, donc elle était haut dans l'État, mais elle avait un trouble mental, personne s'en est aperçu, elle a menti sur son CV et hop, elle devient malade. C'est ça. Ouais. Donc l'excuse, c'est bon, bah voilà, elle a des troubles mentaux. Et donc, voilà, elle a réussi quand même à négocier un salaire à hauteur de 185 000 euros. C'est dingue, c'est juste dingue. 185 000 euros et une fausse attestation de capacité à travailler d'un docteur. Bref, c'est une histoire très floue et assez délicate. Moi, je pense surtout que vu qu'elle était cadre représentant, elle a surtout réussi à magouiller quelque chose. Je sais pas, ça me paraît bizarre quand même. Moi, je pense, mais ça, ce n'est que mon avis, elle a réussi à sortir du cadre. Waouh. J'adore. Ah non. 18h-20h. Je suis désolé. Je suis désolé. On m'excuse, ça va? Ben, je t'excuse parce que je fais le même genre de vanne, mais d'habitude, je suis viré. Did I really just forget that melody? Bibinomonie, Yetouké, c'est tout de suite. Merci de nous faire l'honneur de vous brancher sur le 106.8 à Bruxelles pour écouter la seule émission qui vous divertit le samedi soir en direct. Et je pense qu'on a une des seules émissions de toute la bande FM à être en direct le samedi soir. Bien, ça c'est dit, mon petit coup de gueule est passé, on peut continuer cette émission. Et je vous le dis, Saint-Nicolas est aussi passé dans le studio, il y a des bonbons, il y a à manger, il y a à boire... Il y a tout ce qu'il faut. C'est super gentil. Tout pour rendre malade la technique de cette radio qui va péter un câble quand on voit qu'on mange près des consoles et des micros. Bref, en tout cas, nous, on se fait plaisir. Ouais, blindé là. Bah écoute, c'est l'essentiel, non? Si on ne se fait plus plaisir, hein, à quoi sert? À quoi sert ça? Ça va partir en ASMR. Bah ouais, écoute. Jadoul est l'envoyé spécial du Père Noël. Il a pour mission de manger toute la nourriture qu'il croise. Alors planqué le souper, il débarque. Et il va pas se gêner. Jadoul, 18h-20h. Merci de nous avoir choisis. En tout cas, franchement, on passe une très belle soirée. Et je vois tous vos SMS qui défilent. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de nous écouter. Ça nous fait très plaisir. Il y en a qui réagissent sur le CV qui disent « Moi, j'ai déjà menti pour avoir un job. » Ça veut dire que c'est vrai. Parfois, il y en a qui osent mentir sur leur CV. J'ai déjà été tenté plein de fois de le faire quand c'est même. C'est vrai. Vraiment, quand je vois le nombre d'études que tu dois faire pour faire concierge, je me dis vraiment, je mentirais. Au pire, personne le saurait. Au pire, j'aurais quoi comme sanction? Je serais viré, j'aurais un peu à payer, mais c'est j'aurais ça. Moins à perdre qu'à gagner, quoi. Mais même il y a beaucoup de parents qui mettent la pression à leur enfant en disant, écoute, si tu travailles pas bien à l'école, tu finiras éboueur, sans diplôme. Eh ben, il faut un diplôme pour être éboueur. Désolé. C'est ça. C'est des gens très respectables et en plus de ça, il faut un diplôme. Donc arrête de dire ça, les parents, s'il vous plaît. Mais... c'est vrai. Oh, le mec révolté. On arrête de dire ça maintenant, les parents, s'il vous plaît. Là, j'en ai marre. Non, écoute, si on peut plus passer un petit coup de gueule. Non, dans non, cette non, mais je suis d'accord totalement avec toi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi dans cette salle? Merci, on est d'accord. On a pour vous le Bruxelles à l'appel qui va aussi arriver dans quelques instants. On dirait ton rire. J'ai jamais menti sur mon CV, donc tu l'as pas fait non plus. Non, c'est plutôt bien. Non, si vous avez déjà menti, tiens, c'est un bon sujet. Si vous avez menti sur votre CV, allez, on le dira pas, on dira pas votre nom, c'est anonyme, vous envoyez un petit SMS 0488 106 800 et promis, ça reste entre nous. Dans quelques instants, on aura aussi l'occasion de faire un petit tour du côté de l'actualité technologique. Je vous ai prévu un petit topo de ce qui se fait là actuellement dans le monde connecté, comment vous dire, c'est un truc incroyable. Vous retrouvez tout ça dans un instant. Les objets insolites, tu peux nous teaser un petit peu ce qui va arriver, ça va être sympa. Ce sera sur les déguisements de Noël. Ah, il y a des déguisements insolites. C'est ça, ah, déguisements insolites. Ça va être sympa. Ça va être très sympa et ça se passe dans un instant. Restez bien branchés. 18h-20h, c'est Jadoul. Jadoul. 18h-20h, c'est Jadoul. Dans quelques instants, comme promis, on va faire notre grand jeu Bruxelles à l'appel. Mais d'abord, ce qui arrive là tout de suite dans la suite, c'est les objets insolites et improbables de Terence qui nous a concocté une belle playlist. Ouais. Ça sent bon ou pas? Bah ça sent bon, ça sent bon. Ah bah, ça sent la dinde de Noël quoi. Ah bah tant mieux, ça arrive dans un instant. Jadoul. 18h-20h, c'est Jadoul. Chose promis, chose due, on passe aux objets improbables du 18h-20h. Jadoul. Les objets improbables du 18h-20h. On vous l'a promis, Terence a fait une très belle sélection et ça démarre tout de suite. Alors, sélection sur les déguisements improbables de Noël. Alors, ah il y en ouais a qui passent leur Noël en famille déguisée, ça c'est arrive, pas mal. D'accord. Alors, il faut savoir, pour ceux qui nous rejoignent dans cette émission, qu'au début, j'ai parlé quand même de mes caleçons, étant donné que j'ai reçu des caleçons voilà de Noël. Et c'est très joli, hein, avec une grosse canne à sucre. Et moi, c'était un slip de Noël, mais tu sais, avec en velours rouge, oh, avec les poils blancs autour, tu sais, non, ça, c'est offert toi, ça, par ma belle famille. Alors t'imagines le papa, en plus super, toujours super rigide, tu sais, super sérieux, je l'ai jamais vu sourire, et le mec il m'offre ça, il fait tiens Terence, c'est pour la blague. Moi j'étais là, waouh, trop bien. Sauf quelle origine, sans indiscrétion? Biélorusse. Ah oui, bah voilà. Bah écoute, il faut bien tenir chaud hein, dans ces pays. Tu as intérêt à aimer mon cadeau. Oui, bah voilà, ta copine est biélorusse. Hein, alors du coup, ce que je vais leur offrir pour le prochain Noël, bah, ouais, ce serait peut-être ce déguisement que j'ai trouvé sur le web, sur c'est un quoi site chinois que je ne citerai pas. Ouais. C'est un déguisement de dinde de Noël. Alors il est génial, on voit les cuisses qui se relèvent, le truc rembourré à mort, c'est vraiment super drôle quand tu vois l'image, c'est vraiment ouais, pas bah, mal. Ça en a l'air, ouais. Alors pour le papa qui a de la barbe, bah, je lui offrirais bien des boules de Noël accrochées dans la barbe. Non. C'est des boules de Noël exprès pour accrocher dans les monsieur barbus. D'accord. Comme ça tu te transformes en sapin de Noël. C'est super. Ah bah voilà, c'est sapin de Noël vraiment humain, génial. C'est sympa, voilà, ouais, c'est ça. Alors il aura les boules, hein, c'est super drôle ça. Il n'y aura pas une vanne mauvaise. Excusez-moi. Vas-y. Alors s'il n'y a plus personne à déguiser, on peut même déguiser nos toilettes en Père Noël. Alors, c'est-à-dire que sur la planche des WC, t'as une tête de Père Noël, avec même les poils de la barbe et tout. Possible, bah, c'est pour tenir chaud, ma foi, pourquoi pas. Il y a le tapis aussi. Et alors, la caisse de la chasse, c'est la cheminée. D'accord. C'est pas mal. Et alors, si on n'a toujours pas assez pour les toilettes, on peut toujours lui ajouter un petit accessoire avec des papiers toilettes en perles de Noël. Ok, ah bah voilà. Voilà. Moi, comme ça, tu pourras dire un jour, ouais, moi je suis une princesse, ok, moi je me torche les fesses avec du papier toilette en perles, d'accord? C'est pas qui je suis, moi. C'est pas qui je suis. Mais tu sais que j'ai trouvé dans un magasin l'autre jour du papier toilette rouge et vert pour les fêtes. Une feuille ah ben sur voilà. Enfin non, pas une feuille sur deux, mais tu vois, c'était la moitié du papier du la moitié de la feuille était rouge, l'autre moitié était verte et j'ai trouvé ça sympa, je me suis dit bah voilà, c'est sympa sauf que du papier toilette rouge voilà, hein, c'est middle, je suis pas fan. Pourquoi? Mais bon. Bah pourquoi pas? Mais on sait jamais, tu vois, le papier toilette. Tu sais jamais si c'est vraiment rouge ou pas. C'est ça, c'est juste une question de contrôle technique. Je ne vais pas faire de commentaires parce que ça va partir en truc vraiment dégueulasse. Donc, comme c'est une je heure de me table, taire. Il est 18h46, merci de nous rejoindre. Bah surtout que oui, s'ils écoutent en mangeant, voilà. Voilà, et si alors, dans la voiture avec une petite frite en train de manger, bon, posez ça deux secondes. La suite, Terence. Bah là j'en ai plus qu'un, mais c'est pour ceux qui passent leur Noël seul. Tu sais mettre une petite musique triste, s'il te plaît. Une petite musique triste. Ouais. Oui, si tu me laisses évidemment. Ok, 30 secondes, 30, 29. Ouais. Non, j'ai 28. C'est bon, ok, c'est bon, non. Voilà. Talk dirty to me. Non, il y a pas de souci. Non, donc, pour ceux qui passent leur Noël seul et pas de famille, voilà, ils ont des strings de Noël pour téléphone. Ouais, donc c'est-à-dire que sympa. Comme ça, tu peux quand même regarder les Noëls que les gens qui ont des familles peuvent passer sur ton téléphone et te dire bah, moi j'ai que lui. Oh, et c'est alors, triste. Il est mignon, il est mignon. Le string, ouais, le string pour téléphone est mignon. Il passe devant le bouton, mais ça va. Il est super. Ben voilà, ben écoute, ben merci pour tout ça, Terence. Ça m'a fait très plaisir. Et tu reviendras la semaine prochaine. Enfin, je sais pas quand tu reviens dans l'émission, mais en tout cas, tu nous prépareras d'autres objets insolites. Ouais. Bah en tout cas ça nous a fait très plaisir. Je suis obligé, sinon j'ai pas de paye, mais oui. Donc on revient dans un instant. Retrouvez Jadoul en podcast. Jadoul en podcast. Jadoul sur iTunes et sur ilar.be. Reste comme disait Gims avec Sting. Merci de nous avoir choisi. Dans quelques instants, on fera notre Bruxelles à l'appel. Quel est le principe du Bruxelles à l'appel, Terence? Alors on pose des questions de culture générale et faut bien répondre. Bah, c'était très bien résumé, mais je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus construit que ça. Pas du tout. Quelque chose à l'appel. Bah, c'est ça, mais bon, bah, écoute, voilà. Alors, je te propose qu'on fasse tout de suite l'actualité technologique. Bah, allons-y. Ah, bah, merci. Je n'attendais pas ton frère, de toute façon. Bah, okay, bah, on y va, c'est parti. Vous avez peur d'être dépassé par la technologie et les dernières tendances? Mais on a nos petites astuces. On vous fait une mise à jour maintenant dans le 18h-20h. Je vous parle de Sony qui a décidément pris une décision. Ils vont délaisser le secteur des consoles portables. C'est fini pour les PS, les PS Vita et tout ça. C'est un secteur dans lequel ils ne seront plus présents. Sony, mais donc le secteur portable, tu parles pas des téléphones portables? Non, des consoles portables. Okay, ils feront plus de PS, plus de PS4, plus de PS, machin. Tout ça, c'est fini. Mais ça marche super bien pour eux. Pas vraiment, étant donné qu'il y a 16 millions de consoles vendues, précise Clubic, mais en comparaison, la PSP est vendue à 80 millions d'exemplaires. Mais la PSP, mais plus personne n'utilise de PSP. Oui, mais en attendant... Mais je suis choqué, mais ça fait 3 ans que j'ai plus entendu ce mot-là. Ah ben PSP. Voilà. Eh ben, figure-toi. Et ça se vend mieux que PS4. Oui, parce que c'est la première déclinaison portable de la PlayStation et il y a eu 80 millions d'exemplaires vendus. Maintenant, ça devient compliqué pour Sony Interactive Entertainment de stopper ses efforts dans la production du développement de son modèle portable. Donc, l'entreprise a décidé de miser sur la réalité virtuelle et sur la PlayStation traditionnelle et donc décide d'arrêter complètement les autres produits de consoles portables et la cinquième version, petite news, de la PlayStation sera lancée l'an prochain. D'accord. En fait, je pense que j'ai mal compris. Tu parlais justement des PSP qu'ils arrêtent. Ils arrêtent les PSP. C'est ça. Ah, je pensais qu'ils arrêtaient les PS4 et tout, genre les PlayStation normales. Non, c'est non, ça que j'avais. Les okay. PlayStation, oui, ça, évidemment. Ben, ils ont raison. Effectivement, ils ont raison, je trouve. Ça cartonne. C'est vrai que ça marche pas tant que ça, quoi. Mais c'est compliqué, hein, quand même. Et voilà, c'est le PDG de Sony qui a carrément fait une déclaration au grand public, étant donné qu'ils étaient relativement questionnés par tout le monde, qui se demandait mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils arrêtent? Enfin, moi, je t'avoue, j'ai jamais joué aux jeux vidéo. Alors, j'ai juste joué à... C'est vrai que moi non plus. À ça Mario m'énerve Bros. En fait. Je suis beaucoup trop un rageux. Dès que je perds, j'éclate la PS4, quoi. Vraiment. Ah ouais, c'est d'accord. Horrible. Il faut jamais jouer aux jeux vidéo avec moi. Ou alors vous me laissez gagner. Là par contre, vous êtes mon meilleur ami, quoi. Vraiment. Non, mais figure-toi que j'avais un pote qui un jour jouait sur sa console de jeu et il a perdu à son jeu de foot. Ouais. Et le premier réflexe qui lui est venu à l'esprit, c'est d'éclater la console à terre. Il a pris sa PS et il l'a éclaté contre sa tête, contre son front. Ouais. Et donc il a fait... Donc la PS et lui ont fait une commotion cérébrale. Tout à fait. Voilà. Et après il a regardé sa PS, elle était pétée, c'était fini. Ben voilà, voilà. Il l'avait depuis à peine un an et donc c'est dommage, c'est con. Ben, c'est bête, oui. Il est bête. Je sais pas c'est qui ton ami, mais c'est pas très intelligent. Voilà. Depuis ce jour-là, il ne le parle plus. Ouais, mais je suis plus ami avec. Je pense que c'est aussi pour ces raisons-là. On revient dans un instant. Voici Big Flo et Uli, promesses. Oh oui. Les promesses, les promesses, les promesses. Bah ouais, des promesses. Hein. Les promesses. J'ai senti qu'il allait le répéter encore une fois, donc je l'ai laissé On parler. Je le savais. C'était Big Flo ou Oli qui a chanté T'es ça? T'es un médium en fait, je le savais. Tu prédis l'avenir. Tout à fait. Qu'est-ce qui va m'arriver la semaine prochaine? Participer en envoyant un SMS au 04 88 106 800. Numéro non surtaxé. Dans quelques instants, le Bruxelles à l'appel. On aura plein de séquences dans cette émission. Non, je devais dire un truc, mais c'est pas grave, tant pis. Mais le mec, il s'écrase. On lui offre 10 secondes de parole, il les prend pas. Bah, je fais quoi de ça? Que tu te taises à tout jamais, Terence. On revient dans un instant en direct jusqu'à 20h. Jadou. 18h, 20h. c'est Jadoul. Jadoul est là durant les fêtes. The message. Et rien ne l'arrête. Il a survécu au repas de famille. Joyeux Noël à vous aussi. Il a survécu à l'arrêt du grand cabaret de Patrick Sébastien. Oh, t'es calme d'un coup, hein. Et aux 900 diffusions de Mariah Carey. On essaye maintenant les chants de Noël de Nolwenn Leroy, mais y a rien à faire. Il résiste à croire qu'il aime ça, le beau gosse. 18h-20h. On passe la soirée ensemble. Merci de nous avoir choisis. Ça me fait mourir de rire, ce vieux chant de Noël. Mais tout pété. Il a dit quoi? Il a dit à croire qu'il aime ça, ce beau gosse? Ce bougre. Ah, j'ai compris, ce beau gosse. Ah bah écoute. À croire qu'il aime ça, ce beau gosse. Bah si vous comprenez ça, tant mieux, c'est tout à mon honneur. Ouais. Ok, la suite de cette émission, ça se passe avec notre débat sur la grève interprofessionnelle qui a lieu en ce moment en France, qui déteint un petit peu sur la Belgique. On fera notre Bruxelles à l'appel, notre quiz de culture générale dans quelques instants. On lit tous vos SMS aussi dans cette émission. Le numéro de téléphone de la radio, 0488 106 800. Je suis scotché. T'as vu ça? Je ne m'attendais pas à ce que tu connaisses le numéro. Eh oui. Je me suis dit, il va me regarder. Je suis quelqu'un d'exceptionnel, tu peux le dire. Vas-y, dis-le encore. Tu es là. Je suis... tu es quelqu'un. Tu es un mec. Tu es en vie. C'est bien. C'est tout ce qu'on peut dire. Bravo de respirer. Bah, c'est bravo. Merci d'être assis. C'est de bien. Cette émission, ça arrive. Et nous, on va vous régaler car j'ai encore pour vous des news. Ça arrive. Mais là, on parle maintenant. C'est notre débat. On l'entame. C'est pour tout de suite avec la grève interprofessionnelle. Ça paralyse toute la SNCF. Mm-hmm. Un petit peu la SNCB. Et ça en fout pas mal dans une grosse galère. Pour ceux qui veulent aller travailler. Ah ben non, ils font grève. C'est ça. Non mais moi par exemple, je devais aller travailler en France. Mm-hmm. Et j'ai un TGV qui était réservé aller-retour pour là dimanche soir, retour mercredi. Bah pas moyen. Ils ont annulé mes deux trains et ils m'ont dit bah débrouillez-vous. T'as été remboursé? Non, ils m'ont dit. Tu sais que tu peux te faire rembourser dans ce cas-là. Oui, ils m'ont dit vous avez le choix, soit vous vous faites rembourser, soit vous trouvez un train. Si vous en trouvez un. Et vous montez dedans et votre billet sera valide. Ou alors, voilà, on pourra avoir une compensation sur un nouveau billet. Bref, ok, ils sont réglo, il n'y a pas de souci. Ouais, ils sont crus au marché, quoi. Oui, mais... Genre, ils font du troc, tu sais. Non, c'est normal. Ça, moi, je ne critique pas ça, mais par contre, je critique juste que, voilà, les Belges qui n'ont rien demandé, bah voilà, ils sont impactés et ça m'énerve. Parce que j'avais des choses qui étaient prévues, ça annule, voilà, du travail. Après, c'était pas voulu. Ils ont pas... Enfin, je pense pas que les Français se sont dit, bon, on fait pas grève parce que la Belgique, sinon elle va être impactée. Ouais, mais non, mais je veux dire... Enfin, je veux dire, c'est normal. Thalys, si on regarde Thalys, c'est belge à je ne sais pas combien de pourcents, c'est français à autant de pourcents, il y a au moins moyen de trouver un accord. Genre, un train sur deux, ils mettent des conducteurs belges. Enfin, je sais pas, il y a moyen de trouver vrai, des solutions à tous ces problèmes-là. Quand je vois tous les Thalys qui vont vers après, Amsterdam, là, ça roule. Il n'y a pas de souci. Après, là, tu parles quand même de la SNCB, entreprise qui fait grève déjà 95% du temps de l'année. Non, la donc, SNCB, ne crois pas que pendant le temps de grève, ils vont quand même travailler. Genre, la SNCB, ils font jamais grève. Je suis désolé. Ouais. Dès que j'ai besoin qu'ils fassent grève, ils ne le font pas. Et ça arrive tout le temps. Dès que j'ai besoin de ne pas travailler, ils me font travailler, ces grands cons. C'est ça, mais c'est tout à fait ça. Et donc, c'est dès que je veux pas qu'ils font toujours des gros, gros, gros problèmes. Par exemple, là, encore une fois, je prends deux fois le train pour traverser toute la Belgique chaque semaine. Mmh. Eh ben, ils ont fait un détour de je ne sais pas combien de kilomètres juste pour des travaux à Bruxelles Schumann. Ah oui, non, mais ça fait des mois qu'il y a, mais ça n'a rien à voir avec la grève. Non, mais ça n'a rien à voir. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, ils sont plus forts pour déranger le trafic et créer des soucis d'itinéraire plutôt que de faire grève. Alors tant mieux, d'un côté, ça veut dire qu'ils améliorent le réseau. Ils essayent. En soi, s'il n'y a pas de travaux, il ne peut pas y avoir d'innovation. Ça m'énerve les gens qui râlent parce qu'il y a des travaux et que ça. Je suis d'accord. Je trouve ça normal, c'est légitime. C'est systématiquement les gens du week-end qui sont impactés. Moi, je suis un navetteur du week-end, je suis impacté. Ouais, c'est vrai. Mais moi aussi, je suis impacté quand je vais sur Namur. Ouais. Bah, à chaque fois, les trains pour aller, ils sont pas en retard. Je rappelle qu'il étudie à Namur. Hein. Ouais. Alors je viens d'Arlon, donc à chaque fois les trains qui viennent d'Arlon pour aller vers Namur, bah, vu que c'est le commencement commence d'Arlon, donc ils sont jamais en retard pour y aller. Mais alors pour leur retour, par contre, il y a toujours au moins 7-10 minutes de retard. Après, je m'en fous. Parce c'est que pas je, trop grave. Il y a toujours du retard, il y a du rouge, quoi. Et ça, c'est embêtant. Mais bon, ça c'est pas ça arrive. Mais je veux dire, c'est les détours et tout ça. Après, la SNCF, eux, c'est les spécialistes de la grève. Ça, quoi qu'il arrive, il y en a. Ça, c'est les Français. Et ça arrive tout le temps, bien sûr. Les Français. C'est horrible. Bravo, félicitations. Hein? On vous connaît, vous, les Français. On va vous taper avec vos baguettes. C'est horrible. Tirez votre béret, monsieur. On vous parle. Quand on rentre quelque part, on enlève son chapeau de peintre. C'est tout à fait ça. Bon, bref. Heureusement qu'on n'a pas encore sorti d'autres questions. On vous aime, les Français. Continuez à nous écouter, ça nous fait de l'argent. Oui. Mais non. Ça nous fait plaisir, oui, qu'on dit. Clairement. Voilà, alors, dans quelques instants, si vous avez quelque chose à dire, on lit tous vos SMS à l'antenne, le numéro de téléphone de la radio, c'est gratuit, ce n'est pas surtaxé. 0488-106-800. Ça a été, tu vois, le machin que tu déclenches. Il a eu un petit temps de démarrage. Je savais pas qu'il fallait que je le démarre, en fait. Ah, bah, quand je fais un signe. J'attendais à ce que tu le dises, je me disais, mais c'est quand qui. Ah, c'est à moi, en fait. Ah, bah, d'accord. 18h-20h. C'est Jadoul. Tout le monde m'en parle de ce son. Il est numéro 1 partout. C'est le son de Tones & I. Tout de suite. Bonne soirée à vous. Vous êtes en direct et il y a un gros débat hors antenne. On expliquait un petit peu le fonctionnement d'une radio. On te reprend hors antenne dans quelques instants, Terrence. D'accord, tu vas me redonner des cours. C'est ça, les cours de la bande FM continuent. 4, 3, 2, 1. Tout ce qu'il fallait louper dans l'actu, c'est les news de la semaine. C'est quand même que dans cette équipe qu'on fait des trucs comme ça, c'est quand même génial. Le principe de cette séquence, je donne une info à moitié et tu devines le reste. Ça te va? Ça me va. Tu as 30 secondes. Ok. Est-ce que tu te sens prêt? Je suis chaud de la night. Fais-nous deux bruits de bouche. Merci. On passe tout de suite aux 30 secondes, c'est parti. Alors, ça se passe dans un train qui relie Zurich et Bâle. Ok. Qu'est-ce qu'a fait un adolescent dans le train? D'ailleurs, je vais te recommencer ton chrono parce que j'ai mis du temps. Est-ce qu'il y a du vol? Non. Et est-ce qu'il a renversé quelque chose? C'est un truc qui ne fait de mal à personne. D'accord. Il a crié. Non, ça fait du... Oui, ça fait chier. Non, ça fait du mal à personne, j'ai dit. Il a sorti un objet auquel on s'attendait pas, mais qui lui a procuré un grand plaisir. Un objet sexuel? Non. Je sais pas, un objet qui a procuré du plaisir, j'en sais rien, moi. Qui l'a diverti. Un hand spinner? Non. J'en sais rien. Putain, il en faut bien que tu en devines une. Un écran? Oui. Tiens, une télé. Oui, c'est ça, oui. What? Oui, attends, bien sûr. Quand j'ai sorti ça, je n'étais pas sérieux, genre. Bah écoute, bonne réponse. En fait, j'ai fait des grands gestes à Terrence en lui montrant. Arrête! Non, tais-toi. Ils ne doivent pas savoir la vérité. Je lui ai montré un écran du studio. Non! Pour que. C'est faux. Il puisse. Ce sont des calomnies. Il nous fait des pattes. J'adore. Non, en fait, c'est une info que rapporte Jacques Van Den Miegelaar. C'est grâce à lui que j'ai découvert l'info. Figurez-vous qu'il y a un adolescent qui est dans le train qui relie Zurich à Bâle. Et il a sorti tout simplement un téléviseur, un énorme téléviseur. Et ça a fait évidemment le tour de la toile. Et évidemment, vous vous imaginez un adolescent sortir un écran plat qui prend deux sièges. C'est toujours insolite. Alors évidemment, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, il était dans ses droits. Il a branché son écran, son allonge électrique, sa console d'accord. de jeu, et il a joué à Fortnite. Mais il est super drôle. Tranquillement dans le train pendant une heure. Et il y avait du wifi, normalement il faut de la connexion pour ça. Alors, je sais qu'en Suisse ils sont parfois un peu plus en avance sur la technologie. Ah, ils ont peut-être le wifi dans le train. Mais en Belgique on a les trains suisses. Tu sais les trains avec les cabines où tu peux te coucher dedans, tu peux rallonger. C'est des trains suisses. Non, c'est SNCB. Non, c'est des trains suisses. C'est des trains SNCB. C'est marqué SNCB, mais ils viennent de Suisse. Avant. Non. Parce que, figure-toi qu'il y a 2 ans, je prenais ce train-là, justement, et c'était un itinéraire international, donc ça passait de la côte belge par Bruxelles, ça allait jusque dans le sud de la Belgique, du côté d'Arlon et Luxembourg, après ça passait en France, et ça allait jusqu'à Bâle, en Suisse, et c'était, voilà, ce fameux train qui a été supprimé. Et donc le matériel reste à la SNCB, et il est maintenant en utilisation sur... D'accord, ok, je ne savais pas, mais en tout cas, ces trains-là, à la base, étaient suisses, quand même, donc... Comme ça, tu sais, franchement, ils allaient jusqu'en Suisse, ouais. Donc la société des, pour revenir à l'actualité du mec qui sort son écran, la société des chemins de fer fédéraux suisses a réagi et le porte-parole a expliqué que tout ce qui ne dérange pas les autres usagers était autorisé à bord du train. Cependant, une personne ne peut occuper plus d'une place étant donné que son écran prenait quand même deux places. C'est ce qui a juste dérangé un petit peu la société suisse des chemins de fer, mais sinon ils étaient pas contre. Hein. Ils ont trouvé ça assez amusant, ça les a fait marrer. Bah, alors je suis tout le temps hors la loi parce que moi je suis le genre de type, tu sais, quand je vais dans le train, je mets mes pieds devant, mon sac à côté, ma valise sur l'autre siège en diagonale pour éviter que quelqu'un se mette à côté de moi parce que je déteste les gens. Alors il y a toujours quelqu'un qui va venir près de toi, qui va écarter les jambes, l'autre la famille qui va crier dans tout le train, ça m'énerve. Si je peux juste me permettre de réagir, voilà, un petit coup de pelle, ça fait toujours du bien pour ces gens-là. C'est-à-dire que tu prends un sac pour tu prends un siège pour ton sac, tu prends un siège pour toi, fatalement, et tu prends un siège pour tes pieds. Enfin, deux, vu la taille de tes pieds. C'est vrai que tu remplis un carré de 4 à toi tout seul, et c'est vachement dérangeant, et c'est une amende de 50 euros. Sérieux ? Ouais. Je suis spécialiste SNCB, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'être porte-parole. Écoutez, alors, les mecs, engagez-moi. Et alors, pour les objets, t'as déjà... amener des objets insolites dans le train, en parlant des objets insolites. Vas-y, dis-moi, parce qu'on va faire le tour, on va faire une battle d'objets bizarres. J'ai ramené j'allais dire un explosif, mais c'est pas drôle. Qu'est-ce que j'ai ramené d'insolite? Je pense que j'étais assez calme. J'ai juste ramené une fois une allonge électrique pour être sûr de pouvoir tout brancher. Ouais. Mais sinon, c'est tout ce que j'ai ramené. J'en avais marre des gens qui prenaient la place à côté de la prise. Ceux qui n'en ont pas besoin. J'en ai eu marre. C'est énervant, cela. Tu vois le fil de mon casque en tire-bouchon comme ça? Ouais. Donc un câble qui s'étend. J'ai été brancher la prise au-dessus du mec qui voulait pas bouger et j'ai tendu mon câble 3 sièges plus loin jusqu'à moi. Excellent. Et comme ça, je pouvais bosser en même temps dans le train étant donné que je fais 12 heures de train par semaine. En même temps, il y a deux prises dans un train. Enfin, ça m'énerve, ça. C'est pas je me suis ramené une fois avec une tente qui s'est dépliée dans le train, mais c'était excellent. J'étais dans une petite gare de village, tu sais, il y avait deux personnes à tout casser dans le train. Et le train, déjà, il commence à fermer ses portes 2 minutes avant maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Non, donc, du coup, ils ferment leurs portes 2 minutes avant et en Belgique, c'est 30 secondes avant le départ. Non, mais là, c'était beaucoup plus en tout cas parce que j'étais à l'avance et alors les portes étaient fermées. Alors je demande, je toque à la vitre et je dis à la personne, ouvre-moi la porte avec des gestes. Et donc la personne vient et tu vois qu'elle essaie d'ouvrir la porte, elle marche pas. Je lui dis, va à l'autre. Et donc je lui fais des grands gestes, il va à l'autre, il essaie d'ouvrir la porte, ça marche pas. Il y a une contrôleuse de train qui ouvre la porte, qui me siffle, qui dit, venez, il y a que moi qui sais ouvrir les portes. Je dis merci, j'étais là avec ma grande tante. Je rentre dans le train et là t'as ma tante qui se déplie sur la contrôleuse, qui s'accroche sur ses clés. Il y avait de l'eau partout parce qu'en plus il pleuvait et j'étais là comme un débile dans le train en train de refaire ma tente. Et alors j'ai pris une demi-heure à essayer de la remettre. Elle s'est réouverte après sur les sièges. Non mais vraiment, c'était le moment le plus honteux de ma vie. C'était beaucoup trop drôle. C'est énorme. Non mais attends, il a une tente. C'est accroché à ses clés. Et la meuf, à chaque fois qu'elle passait près de moi, elle rigolait et moi aussi, je lui faisais des sourires et tout. Tellement c'était super gênant. Le seul mec, il a une tente instantanée qui se déplie à chaque fois qu'il y a quelqu'un. Mais oui, qui il y avait plus la housse. C'est tellement drôle. Merci pour ce. J'étais là, j'essayais de courir en plus après le train et tout. J'étais là. Écoute, voilà, j'ai l'impression que ce soir on fait une spéciale train. écoute, Boston vous fait toujours du bien. Mais dernière petite info concernant les trains, comme ça on clôture complètement le sujet SNCB pour tous les automobilistes qui nous écoutent sur le 106.8 et qui comprennent pas du tout pourquoi on parle de tout ça. Il faut savoir que la SNCB va recevoir ses nouveaux trains à deux étages. Des tout nouveaux trains à deux étages, automotrices et tout ce que tu veux. Bref, ils sont géniaux, tout confort, avec des écrans, des prises partout, pas de wifi évidemment, ça, c'est la marque de fabrique belge. Mais... ils ont juste un souci, c'est que pour les personnes à mobilité réduite, ils y ont pas trop pensé et les trains sont trop bas par rapport au quai. Donc en gros, les personnes à mobilité réduite devront avoir une cale dans la gare. Parce qu'ils ont jamais, déjà de 1. Oui. C'est comme pour les techs, c'est comme pour les bus. Ouais. Chaque fois que, normalement, les bus sont obligés d'avoir un truc pour faire monter les personnes handicapées, ce qu'ils n'ont jamais. J'ai une personne j'ai une amie qui est handicapée, qui se plaint tout le temps de ça. Bien du sûr. Transport en commun, c'est de pire en pire. Il y en a de plus en plus qui gueulent et il y a de moins en moins de trucs pour eux, justement. Mais donc, plus moi, localement, c'est un truc qui me révolte. Pour parler de la STIB à Bruxelles, il faut quand même les saluer. Ils ont mis partout des pictogrammes pour les personnes handicapées. Les bus, ils sont accessibles. ils arrivent à monter. Alors pas toujours, ok, il y a des fois où bon, ils mentent un peu, mais franchement, la trois quarts du temps, les gros points de transit de la STIB sont toujours bien équipés, je trouve, pour les personnes à mobilité réduite. Bah, donc il faut quand même saluer ça. Il y a des ascenseurs, ils mettent des choses en place petit à petit. Il faut savoir que c'est pas facile d'adapter le métro à ces personnes, mais voilà, ils y arrivent petit à petit, et pour voilà, leur facilité, ça nous fait quand même un grand plaisir. On lit tous vos SMS dans un instant. Jadoul, 18h-20h. Voici Arcadian en live avec vous toute la soirée jusqu'à 20h. On vous accompagne avec le meilleur de cette émission, c'est-à-dire des news, des infos, un Terrence qui est en très grande forme et qui nous démarre un petit rhume. Mais non, ça fait un mois qu'il a démarré ce rhume, j'en ai marre. Et t'arrives pas à le gérer. Non mais je sais pas. D'habitude j'ai un bon système immunitaire, mais là cette année ça fait vraiment depuis mi-septembre que je suis enrhumé quoi. Et alors des fois je vais mieux pendant 3 jours, je me dis c'est bon il est parti, puis hop il revient, il me fait un high kick dans la tête et... Par contre on t'a pas demandé de nous raconter ta vie. D'accord. Non mais en vrai, moi j'ai eu 3 semaines comme je ça. Je parle plus, je m'en fous. Non, j'ai eu 3 semaines en mode enrhumé, c'était horrible. T'es là, t'as le nez bouché et tout, j'avais expliqué l'histoire du mouchoir dans le train. C'était juste complètement dingue. On revient dans un instant pour le Bruxelles à l'appel et une news qui concerne une banane. Tenez-vous bien, ça arrive dans un instant. Vous écoutez le 18h-20h. 18h-20h, c'est Jadoul. Quel débat qu'on a lancé quand même au niveau des trains, ça a beaucoup fait réagir. Je m'attendais pas à tant de réactions sur les réseaux sociaux et par SMS. Franchement, je suis relativement étonné. Et voilà. Ils disent quoi en général ? Là, j'ai des retours du style SNC. Enfin, c'est vulgaire. Je peux pas le lire. Mais... Je peux pas le dire. Voilà, SNCB. Voilà. Mais sinon, il y a d'autres messages comme je prends tous les jours le bus et tout va bien. Bah oui, le bus, c'est la STIB ou de Lane et ça se passe bien. D'accord. Il y a parfois pas de soucis. Après moi, c'est peut-être parce que j'habite pas Bruxelles même. Mm-hmm. Donc moi, je suis habitué au bus de campagne, au bus de trucs comme ça. Et donc le bus, là, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est ça, les bus de collège, machin. Ouais. Et donc pour les... Où tu connais le chauffeur et tu sais quand il va pas s'arrêter. Non, mais là, c'est vraiment le cliché des villages. Faut pas abuser non plus. C'est pas la famille. C'est pas la petite maison dans la prairie où tout le monde se connaît non plus. C'est un garçon de la ville. Je ne vois pas. Ah non, le cliché quoi. Non mais ouais, donc beaucoup se plaignent quand même pas mal. Donc quoi, donc, tu montes dans le bus, tu rentres pas en disant... Il n'y a pas de truc en fait pour les personnes handicapées, il n'y en a pas de planche. Ah oui, non mais dans les campagnes c'est devrait, mais... Non mais tu rentres pas dans ton bus en disant « Salut Marcel !» Non, même pas. Mais j'ai mes amis dans le bus, enfin oui, mais le chauffeur, non. Non, le chauffeur, de toute façon c'est tous des... Ok, merci. Voilà, on peut censurer comme ça. Voilà, ça te va. Ça nous fait notre affaire. Donc dans quelques instants, on joue à notre Bruxelles à l'appel. On se fera quelques sons. Franchement, la playlist, elle est très bonne là pour aller jusqu'à la fin de cette émission. 3 cafés gourmands, Boys Town Gang, ça arrive aussi, et Maroon 5. Mais d'abord, je vais te parler d'une banane. D'accord, une banane. Oui, bah oui, bah oui. Pourquoi oui, pas? Bien sûr. Est-ce que tu t'es déjà fait de l'argent facilement, Terrence, à part en venant dans cette émission? Bah, pour rentrer dans cette émission, je me suis fait de l'argent facilement. C'est ça. Ok. Non, tu t'es déjà fait de l'argent facilement? Je réfléchis. Si je prends l'exemple, je pense pas. Sur le temps que tu réfléchis, je vais donner l'exemple d'Emilien, qui est le chroniqueur que vous retrouvez la semaine prochaine. Mmh. Lui, il achète des chaussures en édition limitée, il les revend double de son prix. Pas bête. Oui, j'ai fait une fois, j'ai gagné 100€ pour faire une pub où je devais juste marcher et rigoler avec des gens. Donc c'est-à-dire que j'avais des potes, je rigolais, ça faisait des blagues, et puis j'ai gagné 100 ou 200 euros, je pense, pour la journée, pour 3 heures de tournage. Voilà. 3 heures de tournage. Bah, ça a été plutôt. Enfin, il y avait après 3 heures de maquillage et tout, machin, le temps qu'ils installent, mais voilà, on a tourné pendant 3 heures, quoi. Là, je t'emmène aux États-Unis pour te parler d'un truc complètement dingue. Je te parle de Maurizio Cattelan. C'est un artiste italien qui a présenté son œuvre à la foire annuelle à Basel Miami Beach en montrant son œuvre qui s'appelle Le Comédien. D'accord. Alors bon, c'est très simple comme œuvre à vous décrire, vous qui nous écoutez en radio sur le 106.8. C'est une banane de tout ce qu'il y a plus classique, avec un bout de tape, un bout de scotch, tu sais celui qui colle très fort. Oui, l'adhésif là. Le gros adhésif large de 5 cm. Ouais. Et ben voilà, c'est une banane mise à un mur, scotchée. Cette œuvre vaut combien? Je te laisse deviner. Allez, 2 milliards. Suspense. Non, non, déconne pas. 2 millions. Soyons non, mais déconne pas, soyons raisonnables. Un vrai prix pour une œuvre. Ok, ben, il y a des œuvres qui valent 2 millions, oui, mais là, on est quand même pas 1000 euros, 1000 euros. 1000 euros. Ils ont réussi à vendre cette œuvre. 150 000 dollars. D'accord, ok. Voilà, et donc. Bon, après, les œuvres de Picasso où tu fais un 2 traits et ça fait un chien, ça se vend quand plus, même. En plus, il faut savoir que l'œuvre qui comporte deux éléments, le scotch et, et la banane, ouais. Il faut savoir que quand tu l'achètes, elle est fournie sans la banane, étant donné qu'elle va pourrir entre temps. Donc, tu dois. Ah, c'était une vraie. Je pensais que c'était une truc pain, un truc pain. Non. D'accord, c'est une vraie banane. Tu parles de vraie banane. Une vraie banane en relief. Waouh. Scotchée à un mur. Waouh. C'est ça qui est complètement dingue. Et donc, mais si non, tu la veux chez mais toi. À ce moment-là, tu l'achètes pas, tu le fais toi-même. Tu dois te procurer toi-même ta banane afin de. Bah, écoute, on va le mais faire dans cette blague. Radio. Mais c'est on va une le faire blague. Dans cette radio. Mais allez. Que... On va essayer de trouver du scotch. On vous le met sur Instagram, sur mon compte Tejadoul, sur Insta. On essaie de le vendre. Et on va essayer de le vendre. On va voir. Moi je suis vraiment chaud de le mettre sur eBay. Pouvoir... Moi je suis vraiment, vraiment. Mais on va le faire. Mais c'est pas tu, mets, tu les mets aux enchères sur eBay. Ok. Vraiment, je suis vraiment. Il va nous faire un truc sur deuxième main. Le mais ouais, pourquoi pas. Allez, on passe aux 3 cafés gourmands. 18h-20h. Jadoul. C'est Jadoul. Restez bien branchés, on est là jusqu'à 20h. Merci, on est en live, vous écoutez la seule émission qui porte le nom carrément de l'animateur tellement on a eu peu d'idées sur le nom de cette émission. Autant vous dire que le programme s'appelle Jadoul et je m'appelle Jadoul. Avec moi, il y a Terrence et tout va bien. Jadoul. On est dans nos anecdotes, on raconte nos vies et Terrence, tu m'as dit hors antenne. Une partie, d'anecdote, ouais. Faut absolument que je te raconte. J'étais dans un bar à Namur et là j'ai eu une envie. Et tu t'es arrêté voilà, là. C'est ça. J'ai donc, envie de savoir, mais rien de. Ça, non, non, non, y a okay. Pas de soucis. Donc je parlais de. On parlait d'argent facile, donc ça m'a fait penser à ça. Donc en gros, le Bitu à Namur, donc c'est un bar assez connu pour ceux qui y habitent. C'est. Y a des gens, des fois, qui jouent de la musique là-bas. Donc il y a des batteries, des micros et tout. Ouais, il ouais. Y avait un groupe qui allait jouer et j'ai vu le micro prêt. Prêt. Et alors j'avais vraiment envie de gueuler dans le micro, tu sais. J'avais envie de l'utiliser, mais c'était pas à moi de l'utiliser, c'était au groupe. Bien donc sûr. Je suis auprès du groupe. Attends. Et là j'ai l'enregistrement de ce que tu as dit dans le micro. Micro de merde. Ça y est, ça revient avec les cartouches. Ouais, ça ouais. M'avait manqué ça. Écoute. Et donc je vais près du chanteur du groupe. Je dis excusez-moi, c'est l'anniversaire de ma vice-présidente là-bas. C'est une amie à moi. Ouais. Fête son anniversaire aujourd'hui. Je voulais lui souhaiter joyeux anniversaire dans le micro. Est-ce que je peux? C'était pas du tout son anniversaire. Mais il me laisse. Du coup, je dis voilà, donc c'est l'anniversaire d'une personne formidable ici, elle s'appelle Pauline. J'aimerais que tout le Bitu chante avec moi. Joyeux anniversaire. Et t'as tout le monde qui a commencé à chanter oh tous non. En chœur dans le bar. T'avais plein d'inconnus qui venaient près d'elle et je lui disais joyeux anniversaire et tout. Et ils voulaient lui payer des bières et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Oh non, non, non, c'est pas mon anniversaire, non. Me paye rien. Oh mais c'est con. Mais non, dis-je tout pète. Faut jouer le jeu. Mais purée quoi. Oh et mais non. Je lui fais la remarque, je lui dis mais attends, tu pouvais avoir des verres gratuits. Tu lui disais si tu voulais pas de bière, tu lui prends une grenadine, je sais bah pas. Ouais. Tu prends de l'eau, du coca, je oh sais pas. Non. Je lui fais la remarque et elle continue. Alors c'est le pire, c'est que pendant deux semaines, t'as les gens, ils se disaient excuse-moi, j'ai manqué ton anniversaire et tout. Parce que sur Facebook, ça a continué. J'ai continué le délire sur Facebook, j'ai mis des dossiers d'elle, j'ai dit joyeux anniversaire. Et t'as tout le monde qui a suivi, tous ses proches. T'es une crapule pour ah, être c'est super drôle. Parce qu'en fait, elle avait pas mis la date de son anniv sur Facebook. Ah ouais. Donc les gens le savent. Du coup, quand j'ai mis le dossier, tout le monde qui a suivi, c'était super incroyable. Marrant. Mais oh là là. Et c'est ouf parce que en plus, tu utilises la technique de l'anniversaire plus régulièrement que ça. Hein. Ouais, bah oui. C'est vrai que quand j'ai besoin de quelque chose, genre je veux un paquet de frites, bah je dis ah, c'est mon anniversaire. Ah bah attends, je te paye. Si je veux quelque chose, en général, je dis c'est mon anniv, ça passe quoi. Donc en fait, tu voulais venir dans cette émission ce soir, on comptait te souhaiter joyeux anniversaire, mais en fait tu nous as mis tôt. Il n'y avait pas du tout d'anniversaire ce soir. Non, non, non, je peux quand même avoir les bonbons que tu m'as donné, hein, je les garde. Ah, ben non, on restitue tout ça et tu passes à la compta avant de partir, merci. Ok, je dois aller faire pipi. Ouais. J'arrive. Allez, un petit souvenir, Boys Town Gown, c'est tout de suite. Boys Town Gang. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Bah franchement, je te propose quelque chose, Terrence. Tu fermes les yeux et tu imagines que devant toi, c'est la vraie chanteuse de la chanson qu'on vient d'entendre. Attention, l'imitation est bluffante, ne vous y me prenez pas chez vous, elle n'est pas dans ce studio, c'est juste moi. Attention. I love you, baby. Ouais, c'est plutôt pas mal, merci beaucoup. Vous écoutez Jadoul, on est ensemble jusqu'à 20h. Jadoul, 18h-20h. C'était très bon ou pas? Qu'est-ce que tu viens de faire? Bon. Pourquoi t'as fait ça? Ben... C'était super! J'adore! Ah Tu te retournes? T'as The Voice, tu te retournes? Je te veux dans mon équipe. Merci. Enfin, quelqu'un qui comprend mon talent vocal. Franchement, vous, producteurs de la musique qui m'écoutez, voilà, je vous invite à buzzer pour moi. Et retournez-vous, parce que franchement, là, vous avez un talent qui va vous passer sous le nez. On va parler d'un maire qui a donné une interdiction à ses habitants. Ça se passe à Grèzes. Il a pris l'initiative de faire un arrêté interdisant aux habitants de sa commune de faire un truc involontaire. Qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler? Mais il l'interdit quand même. Je te pose la question, hein, si tu te réveilles. J'en sais rien. Donc de rouler, de... Non. De manger, est-ce que c'est un truc vital? Oui, bien sûr. De manger, de boire? Non, pire que ça. De se procréer? Non. De mourir? Tout à fait. Il a interdit... Mais donc c'est pas vital? Bah si, c'est vital, c'est de vital vivre. De... La mort est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Voilà. Non mais en fait, il a interdit à ses habitants de mourir le week-end. Tout ça pour dénoncer évidemment la pénurie de médecins qu'il y a dans son village. Et donc, sinon quoi? Sinon quoi, t'es mort? Ils veulent faire quoi? L'arrêté précise: un décès récent un dimanche midi a apporté la preuve de l'absurdité d'un système auquel le maire répond par un arrêté absurde, indique un communiqué. Sinon, on vous enterre en prison. Il y a quand même 850 personnes qui sont concernées par cet arrêté qui est dans l'application depuis le 1er décembre. Et donc, les gens ont du mal à se faire soigner, à trouver un médecin traitant. Ils sont obligés parfois de faire beaucoup de kilomètres. Conséquence, ils sont mal remboursés. Et ils ne sont pas, évidemment, toujours bien couverts pour leurs soins. N'importe quoi. Donc, en fait, c'est juste un coup de buzz pour qu'on attire un petit peu l'attention sur ce village qui est en pénurie de médecins. Donc quelque part, c'est drôle parce qu'ils connaissent bien évidemment maintenant les maires, qu'on se fout toujours des arrêtés à la con comme ça. Oui. Et donc voilà, c'était l'occasion juste de mettre un petit peu en lumière ce village qui avait du mal à trouver ses médecins. J'espère en tout cas que ça va leur donner un petit peu de visibilité pour pouvoir trouver un médecin dans leur village. En tout cas, je leur souhaite, étant donné que on est vraiment sur une profession. Tu veux pas faire médecin? Quoique non. Je vais pas sauver de vie, en fait. Oui, c'est ça. En fait, oui, je viens de réaliser, c'est peut-être juste le souci. Tu vas plus détruire des vies que d'en sauver. Bon, ça, c'est le jeu aussi, ça arrive. Participez en envoyant un SMS au 0488 106 800. Numéro non surtaxé. C'est l'automne. Et qui dit automne dit marron. Et je vous en donne 5. Bon, officiellement, on peut dire que ma vanne sur les Maroon 5, elle rejoint définitivement le cimetière de l'émission. Non, franchement, honnêtement, elle était drôle. Ah, moi, j'ai bien aimé. Alors. C'est vraiment le genre de vanne qui me fait rire, qui sont nuls, qu'on le sait, que c'est objectivement nul, mais j'ai qui me fait rire. J'ai quand même dû t'expliquer hors antenne. Hein. Oui, non, mais sur le coup, j'avais pas compris. On revient dans un instant pour démarrer enfin notre Bruxelles à l'appel, juste après ça. Vous écoutez le 18h-20h. J'ai une très bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent, et une bonne nouvelle également pour toi, Terrence. C'est quoi cette bonne nouvelle? J'adore. 18h-20h. On va tous parler comme la voix off. C'est parti. Non, on va juste démarrer enfin notre jeu Bruxelles à l'appel. You ready? Let's go. Qui se prendra le coup de pelle si personne ne répond à l'appel? Let's do it. C'est le Bruxelles à l'appel. Le principe du jeu est simple. Je pose des questions de culture générale à mon acolyte. Il répond vrai ou faux. Et là, on va compter ses mauvaises réponses. Le but, évidemment, c'est de faire un sans faute. Et quoi qu'il arrive, de ne pas dépasser plus de 3 fautes. Est-ce que tu te sens capable? Bah oui. Mais la dernière fois, est-ce qu'on a battu mon record depuis l'autre fois ou pas? Oui. Sérieux? Ah oui. Qui? Alors, Emilien, la fois passée, a fait un sans faute. Sérieux? Il a fixé la barre tellement haute. Non. Donc maintenant, essaye d'atteindre ce niveau-là. Bon. Mais moi, je vais faire un sans faute, mais ce sera sans faute. Tu vois? Ok, pas de souci. Est-ce que tu es prêt? Allez, go. Je t'invite à tester ton buzzer dont tu n'auras pas usage. Est-ce que tu veux bien le tester? Merci, ok, ça fonctionne. C'est complètement ouf. Alors spécial évidemment fête, on va parler que de Noël dans ce Bruxelles à l'appel avec des questions qui concernent cette fête. D'accord. Voici la première. La tradition voulant qu'on mange de la dinde à Noël remonte au Moyen-Âge. Vrai ou faux? Je dirais vrai. Tu dirais vrai, on vérifie ça tout de suite. Vas-tu commencer du bon pied? Non. Non. Une barre, allez hop. C'est bon. Non. Suivante question. J'aurais pas battu. Mais il faut savoir que c'est jusqu'à la fin du 14e siècle, l'oie était le plat de Noël le plus populaire en Europe. L'oiseau solaire devait accorder une protection et prospérité à ceux et celles qui en mangeaient. Heureusement qu'on ne bouffe plus de l'oie parce que ça me dégoûte un peu. Bah le canard c'est super bon. Hein. Vraiment ? Ça doit avoir plus ou moins le même goût. Ouais, moi j'aime bien le magret de canard, c'est vraiment bon. Question suivante, on va parler de la chanson Jingle Bell, que tout le monde connaît et que tout le monde chante à tue-tête, a été écrite à l'origine pour célébrer l'action des grâces. Je t'aiderai pas. Je t'aiderai pas. Là j'ai entendu bla bla bla bla bla. Jingle Bell bla bla. Vrai ou faux ? Est-ce qu'elle a été écrite pour autre chose au final ? À l'origine ? Je dirais que oui. Tu dirais oui ? Parce que c'est vrai que quelque part, si on te pose cette question, c'est qu'il y a peut-être une vraie... Voilà, bravo, bonne réponse. Effectivement, ça a été écrit en 1850, par James Pierpont. Non, mais c'est parce que je le savais. Excusez-moi. C'est James Pierpont. Ah oui, j'ai oublié de le dire d'ailleurs. Le cousin de Pierpont. Ouais, c'est ça. Suivante question, troisième question. À l'origine, la bûche de Noël était un plat constitué de gibier et de vin populaire en Alsace. Oui, c'est vrai. Direct. Ouais. Tu le sais. Ouais, j'espère que c'est vraiment pas faux parce que là je me tape la honte. J'avais l'air tellement sûr de moi, je me suis dit peut-être que si j'ai l'air sûr de moi, il va douter de lui-même. Là je t'avoue, si on fait une petite pause dans le jeu et qu'on fait un petit bilan, tu n'as que deux mauvaises réponses. Quelque part, ça va. Tu n'es pas dans la honte la plus totale. Bah, j'ai deux mauvaises réponses pour une bonne réponse, quoi. Savourons le statut actuel. Swish, swish, pêche. Ah, j'adore cette chanson. On va te faire de la tectonique, là. Encore. Tu te rappelles de ça ou pas? Ouais. Encore deux questions. Ouais. Je souhaite pour toi que tu cartonnes. Est-ce que tu te sens prêt pour la suivante? Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Voici la suivante question. Saint-Nicolas, ouais. Avec un H. Qui m'a baptisé Saint, d'ailleurs, j'en parlerai après si tu veux bien. Ouais, on en parlera plus tard. On n'aura peut-être même pas le temps aujourd'hui. Saint-Nicolas, l'homme à l'origine du Père Noël, était évêque de la ville de Myre, située dans l'actuelle Turquie. Oui, c'est vrai. T'as l'air convaincu. Mais je pense que j'avais déjà entendu le fait qu'il était évêque et pas par ici, ou je sais plus trop quoi. D'accord. Vas-y, mais vrai. Je dois t'avouer que... Bonne réponse. Voilà. Ah, on est bien là, pas de barre, on reste à deux mauvaises réponses. Tout va se jouer sur cette dernière question. Est-ce que tu me permets de mettre un tout petit peu de suspense là-dedans? Oui, bah vas-y, c'est ton émission, fais comme tu veux. Ça s'appelle Jadoul, t'appelles Jadoul, on a bien compris, vas-y. Mmh, c'est plutôt pas mal, c'est bien foutu. Est-ce que tu vas réussir à... Ça fout le stress. À nous montrer... que la team a du niveau. Voici la dernière question qui me semble assez facile. On rappelle évidemment ce que disaient tous les autres gens que t'as croisés avant que t'ailles faire cette émission. Un jour il t'aura. Ouais. Donc attention, voici la question. Mais tu t'es hyper stressant en fait. Là t'es là pour me mettre de la pression en fait. Ouais, absolument. Pour que tu la musique, puis en plus tu me dis ouais, attention parce que sinon c'est la team qui en prend un coup. Bien sûr. T'es la fierté de la team. Esprit de solidarité. Voici la question. Les cartes de vœux sont une tradition britannique, vrai ou faux? Enfin. Je dirais. Mais ne me laisse pas l'aimer. Tu dirais quoi? Je te fais des grands signes pour que tu me donnes la réponse. Ah, je te la donnerai pas. Oui, c'est vrai. Tu dirais vrai? Va-t-on terminer cette émission non, sur regretter. Une bonne réponse? C'est un truc d'américain, ça, je suis sûr. Ouais, bonne réponse! On est yes. Quand même dans le positif pour ce Bruxelles à l'appel. Ah, ça va. Donc c'est plutôt pas mal. Tu ne t'es pas ramassé un gros tollé et franchement, félicitations. Merci. Et je m'attendais vraiment à pire, je dois t'avouer. Mais tu m'as prouvé. À chaque fois tu me dis ça en direct, tu me prends vraiment pour un débile quoi. Chaque fois tu me dis je m'attendais à pire, hein. Je te prenais pour plus débile que ça. Écoute, franchement... franchement, oui. Je ne vais pas te mentir. J'étais sur quelque chose de plus mauvais, mais tu nous as prouvé le contraire. Retrouvez Jadoul en podcast. Jadoul en podcast. Jadoul. Sur iTunes et sur hilar.be. Mais il y en a un qui a compris que t'étais pas un nul. C'est Soprano, à nos héros du quotidien. c'est ça, c'est notre générosité, c'est Noël. Nous, on est généreux. Tu reconnais ou pas? Ouais. Ah, quelles sont jolies les filles de mon pays. Hommage à toutes les filles. C'est vrai que les filles sont pas beaucoup représentées dans cette émission, j'ai l'impression. Ouais. Jadoul est l'envoyé spécial du Père Noël. Il a pour mission de manger toute la nourriture qu'il croise. Alors planqué le souper, il débarque. Et il va pas se gêner. Jadoul, 18h-20h. Ah ben on a passé une très belle émission ensemble, on s'est fait plaisir, on a déconné, on s'est informé et surtout on vous a raconté nos vies comme vous l'aimez, on le sait, vous nous réagissez toujours par SMS au 0488 106 800, puis vous nous suivez de plus en plus nombreux sur la page Instagram et la page Facebook de l'émission Jadoul, vous tapez ça, vous trouvez ça directement. Si vous voyez une grosse gueule de con, c'est moi. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez et monsieur qui sourit avec la même pose tout le temps. Voilà, c'est ça. Tout le temps la même pose, c'est juste l'endroit derrière qui change. Il est en plastique, hein, tu vois. En fait, je mets mon sourire. Il est dans ma poche, comme ça, je le mets, il est en plastique. Ouais, pour ça, c'est toujours avec le même inclinaison du temps. En fait, c'est, tu défiles tes photos, tu vois juste le décor qui change, en fait. C'est fait exprès, tu vois, tu peux créer un timelapse, comme ça, tu vois, un truc, c'est juste exceptionnel. C'est les fonds verts, en fait. On vous embrasse, on revient la semaine prochaine en direct dans cette émission, toujours en mode fête, toujours en mode déconnade. Merci de nous avoir suivis. Salut Terence. Salut Thomas, salut Jadoul, salut à tout le monde. Jadoul revient samedi prochain.